L'Amazon a quête de son confort aveugle, déchire et soumet les appels du cœur. Elle plante ses ongles dans des lambeaux de peau, et sent le carcan d'une prison de mots. Se colle à contre son impropre lame, et la main de l'enfant tentant de la gripper s'en mêla dans la toile sans son âme.